21h20. Nous sommes le vendredi 27 mars et comme tous les vendredis, entre 21h et 23h, sévissent les nuisances d'une émission nuisante par son appellation évocatrice de nuisance. Comme c'est déjà dit, ou devrais-je dire susdit, ou prédit. Ou prodi. Je suis médiocre. Médiocre. Merci papa. Merci maman. La médiocrité coule dans mes veines, comme toute l'espèce à laquelle j'appartiens, humaine. Ce ne vaut pas le tas de mortadelle fanée. Encore une fois. Sur le bord du trottoir. Et mais pourquoi pas après tout? Car l'emphase théâtrale d'un soi-disant nomenclaturé mis en boîte, tiroiré, autiste, artiste, pardon. Si seulement l'autisme sévissait dans ce royaume, cet empire. Merci papa, merci maman. Aujourd'hui c'est pas la fête des mères, c'est pas les fêtes du père, c'est pas la fête. C'est le 27 mars 2015 et il est 21h22 et l'émission de nuisance commence sur Canal Sud 92.2 FM ou sur le web au www.canalsud.net. Nous écouter, suivre le lien. Et caetera. Et caetera. Et caetera. Excusez-moi, j'ai une terrible envie de renifler. Que sévissent les pierres. Les gens. Lettres Michel à mort, dont le Jacques use l'entourage de par le pathos négligent d'un génie foisonnant. Merci papa, merci maman. Le génie foisonnant donc d'un sénescent depuis 40 ans. Un mouton bêlant. Nous sommes le vendredi 27 mars 2015 sur l'antenne de Canal Sud.net et je n'ai aucun compte à régler. Je n'ai pas compté le nombre de coups que j'ai pris dans la face de rat médiocre que je suis moribond. Merci papa, merci maman. Je vous aime pas. Mais ça, on va regarder pour plus tard, après 22h, quand les petits et les petites seront en train d'entrer, d'interpénétrer leurs rêves, leur onirique monde. Dans la foisonnance d'un bonheur prospectif. Prospecte le bonheur. Comme filtrer de l'eau dans une rivière à moitié boueuse et desséchée de vases liquoreuses en cherchant un métal pas si rare. Car même dans les comètes, on le trouve. L'argent se monnaie contre de l'or. Ou peut-être est-ce l'ambigu paradoxe d'un contraire avoué. Merde. Oui, mince. Montrez-nous des seins nus et des fessiers à la télé. Car ce que l'on souhaite, c'est avant tout acheter un parfum pour Noël. Noël dernier. En solde, 80%. Il faut être pauvre et con pour se dire que c'est une chance. Ce n'est pas de l'équité. Non, l'on ne peut pas dire que le temps se couvre non plus. L'inéquité tergiversante d'un monde incantatoirement mystifiquant le soi par un ego non démesuré mais bien volontairement abasourdissant à bras raccourcis, je pends par le coccyx à l'envers de l'arbre de vie, l'arbre de vie condamné à ne pas confondre con et damné. Non, l'aveugle ne sourit pas dans le monde des débiles. Il s'en plaint de son sourire par les temps obscurs. Les esprits éclairés se réfugient dans l'intellect, leur sein des saints, leur chambre nuptiale. Immano transcendante, unis de par la vacuité non produite par le non-être. Oui, je jouis de délices divins. L'enfer est proche. L'enfer est de plus en plus proche. l'âge, par les coups auto-émis et la souffrance des coups de pied au postérieur m'ont montré la douleur entraînée par le faux amour. L'amour tue. Ce que je veux, c'est aimer et être aimé. Non pas l'amour qui tue et qui pue la vie. Image. Imaginez-vous. Qui ne peut plus refouler les désirs nomenclaturants d'une recherche d'abscons territoires pervers, pernicieux, justifié par un raisonnement logique, déraisonnable, oui, ce raisonnement-là, qu'il est. Petit padawan de 69 ans, tu es donc si con. Merci papa, merci maman, de m'avoir défait la tête pendant ces années-là, où je vous appartenais comme un chien galeux, prêt à laver les chiottes pour 10 francs la semaine. Merci d'avoir donné 10 francs par semaine pour avoir lavé les chiottes avec ma cervelle de médiocre fils de moineau. Stupide, tu dois être stupide si tu crois que tu crois justement. Tu ne fais que croasser ton délire aigre. Comme je le disais tout à l'heure, merci papa, merci maman de m'avoir détruit. Car il est vrai, l'espérance mène au suicide. Jamais eu et il n'y aura jamais un quelconque espoir pragmatisable. Non. Il n'y a rien en fait après la vie que le non-être. Le « je ne suis pas inconjugable, donc. » Cette phrase-là, ce verbe « inconjugable, donc. » ne nous signifie rien, nous est inconnu, nous fait peur, me fait peur. Car oui, j'assume ma pathologie. Ma pathologie, virgule. Seul. Seul. Seul. Ensemble avec les gens qui m'aiment et que j'aime, les si peu de gens, mais si riches au fond, tout au fond de leur cœur, au centre, au nucléique, foisonnant. Chi. Chi. Je pratique le chan, le zen, tellement ce monde inéquitable me fait me faire chier. je me fais chier par le monde qui se et qui veut faire chier ce monde autour de lui. Dominance du lui. Allez, hop hop hop, au boulot. Travaille jusqu'à la morve. Ta propre merde ne t'écouterait pas crier dans le placard de mes souvenirs refoulés. Ta propre merde ne t'écouterait pas, non, elle est inanimée, répète après moi. Ma propre merde est inanimée, dis-le. Et inanimante, répète après moi. Dis oui, monsieur. Chef, oui, chef. Merci, papa. Merci, maman. Pour tout cet amour. Potentiellement. Atteint. Mais bien en réalité, même pas envisagé, ni envisageable par une troupe de délétères comme vous. Papa, maman, vous êtes une troupe de délétères à vous deux. Délétère qui m'obstrue la pensée. Je dois attendre après 22 heures pour ne pas être censuré dans ce pays. Vivons, vivons le discontinu. Le disque continue. Le disque continue. Le disque continue tant qu'il y aura des centrales nucléaires pour alimenter le tourne-disque. this music thing going on. It's not like expression means a shift anymore, you know, with all this. It just goes on, going on. It's just going on down, you know. It's just like Schweppes in the tonic kind of gin fit. It's just going on down. You got a broken nose for that shit, you know. It's just like gone away now. It's fading away, all this pretentious wannabe. Broken nose for that shit, you know. Death, destruction, disorganization, chaotic production of thought. Broken nose, destruction. Isn't that like a natural thing? You know, thought. Just produce. Just a thought. I'm not talking about wisdom. You know, you know, this and that. Produce. I'm just talking. I'm not talking about wisdom. I'm not talking anymore. You know, this and that. Produce. Shit. I'm just talking. I'm not talking about wisdom. I'm not talking anymore. You know, this and that. Produce. Shit. I'm just talking. I'm not talking about wisdom. I'm not talking anymore. You know, this and that. Produce. Shit. I'm just talking. I'm not talking about wisdom. I'm not talking anymore. You know, this and that. You know, shit. I'm just talking. I'm not talking about wisdom. I'm not talking anymore. You know, this and that. You know, shit. I'm just talking. I'm not talking about wisdom. I'm not. You gotta construe the whole concept of a linguistically mediocre child made by a somewhat genial wannabe, you know, like a wannabe a hero, you know, like a resistant, you know. Yeah, well, do resist to all this, should I say, putrid dissatisfaction, this ambient putrid dissatisfaction, you know. And random it, yeah, just it's ramming it, it's just ramming it up me bum, your wannabeing a hero, goddamn shit. Who are you comparing yourself to? Me? I am your faire valoir, papa, faire valoir, maman, merci. Médiocrité en action, je suis, merci papa, merci maman. Merde. T'es en action, je suis. Merci papa. Merci maman. Merde. T'es en action, je suis. Merci papa. Merci maman. Merde. T'es en action, je suis. Merci papa. Merci maman. Merde. T'es en action, je suis. Merci papa. Merci, oh my god, maman. What have I said? What have I done? Qu'ai-je fait? Merde. Qu'ai-je dit? T'es en action, je suis. Je ne me souviens même merci, pas. Papa. Merci, oh my god, maman. What have quelle I est said? Cette mémoire défaillante qu'il faut qu'ai-je entretenir en action, et entretenir et la lâcher? Il faut la tenir prestement et présemment. Mémoire défaillante qu'il faut entretenir et entretenir et la lâcher. Il faut la tenir. Fais-moi vivre. Voilà présemment. Mémoire défaillante. Entretenir et entretenir et la lâcher, il faut la tenir. Fais-moi vivre. Voilà présent mémoire défaillante. Entretenir et entretenir prestement. La lâcher, il faut la tenir. Je ne le souhaite plus. Présent mais prestement. Entretenir avoir vécu. Discontinuer prestement. La lâcher, il faut la tenir. Je ne le souhaite plus. Présent mais prestement. Entretenir avoir vécu. Discontinuer prestement. Lâcher, il faut la tenir. Je ne le souhaite plus. Voilà présent mais prestement. Entretenez-moi avoir vécu. Discontinuer prestement. Lâcher, il faut la tenir. Je ne le souhaite plus. Voilà présent mais prestement. Entretenez-moi avoir vécu. Discontinuer prestement. Lâcher, lâcher, il faut la tenir. Je ne le souhaite plus, présentement, mais prestement. Faites-moi avoir vécu, discontinuer, prestement. Il faut la tenir, je ne le souhaite plus, fermement, mais prestement. Et en souplesse, discontinuer, uniquement. Il faut la tenir, je ne le souhaite plus, fermement, prestement. Ancré dans la terre, discontinuer, aspirant. L'air du ciel, plus solide, expansion, dilatation, dans la terre, contraction, aspirant. L'air du ciel, plus solide, expansion, dilatation, contraction, adoré, aspirant. L'air du ciel, plus solide, suprême état, contraction, adoré, aspirant. L'air du ciel, le final état, le suprême état d'être et tout dans la terre, vivant, mort, respirant. L'air du ciel, le final état, le suprême état d'être et tout dans la terre, vivant, mort, respirant. L'air du ciel, le final état, le suprême état d'être et tout dans la terre, vivant, mort, respirant. L'air du ciel, le final état, le suprême état d'être et tout dans la terre, vivant. L'air du ciel, c'est un état, vivant. Mort, l'air du ciel, c'est un état, vivant. Mort, l'air du ciel, c'est un état, vivant. Mort de merde. Ma propre merde ne voudrait pas de cela. Mais moi, mort dans la merde, j'accepte. Mort de merde. Virgule. Je prends. Ma propre merde ne voudrait pas de cela. Tout ce qu'il y a à prendre. Mais moi, mort dans la merde, j'accepte. Mort on a mes riches de pauvreté. Je prends. Indigence. Ma propre merde ne voudrait pas de cela. Tout ce qu'il y a à prendre. Mais moi, mort dans la merde. Vive l'intelligence pratique d'un génial. Je prends. Papouné. Merde ne voudrait pas. Me frappant. Il y a à prendre. Mais moi, mort. Me pressurisant. Pratique d'un génial. Tordant. Papouné. Me crispant. Me frappant. Pendant la vulnérabilité infantile. Pratique d'un génial. Tordant. Papouné. Infanticide. Non. Non. Pendant la vulnérabilité. Il n'y a jamais eu de meurtre. Pratique d'un génial. Il n'y a eu que torture mentale. Infanticide. Non. Torture mentale. Pendant la torture mentale. Il n'y a jamais eu de meurtre. Torture mentale. Torture mentale. Torture mentale. Torture mentale. Torture. Torture. Torture-moi, papa. Ha ha. Maman. Ha ha. Torturez-moi. Je le mérite. Je suis un raté à 9 ans. Un médiocre enfant de 10 ans, un mauvais garçon de 11 ans, un marginal isolé, stupide et mécréant de 12 ans. De 12 ans à 13 ans, marginal isolé, stupide et mécréant de 12. Merci papa. Ans. Merci maman. De 12 ans à 13 ans, très agréable, stupide et je mécréant suis mort de 12 à leurs merci, yeux. Papa. Depuis merci, longtemps. De 12 ans à 13 ans, très agréable, j'ai eu d'espoir, stupide, mais pourtant je suis mort. Un faux espoir de papa, déçu par son propre sang, son propre sperme, son propre enfant. Infanticide? Non. Non, non. Kabaka, oui. Kabaka, oui. Tu veux la voir? Sid, elle non. Saigne. Non, non. Kabaka, oui. Kabaka, oui. Tu veux la voir? Sid, elle non. Saigne. Non, non. Kabaka, oui. Kabaka, oui. Tu veux la voir? Sid, elle non. Saigne. Non, non. Kabaka, oui. Kabaka, oui, oui, tu veux la voir. Kabaka. Sid, elle saigne. Non, non. Kabaka, oui. Kabaka, oui, oui, tu veux la voir. Kabaka. Sid, Elle saigne. Elle saigne. Non. Tu veux la voir? Oui. Kabaka, oui. Kabaka, oui. Tu veux la voir? Kabaka. Elle saigne. Elle saigne. Elle saigne. Non. Tu veux la voir? Oui. Kabaka, oui. Kabaka, oui. Tu veux la voir? Kabaka. Elle saigne. Elle saigne. Tu veux la voir? Tiens, regarde. Tu veux la voir? Regarde, mon fils. Tu l'as vu? Tu veux la voir? Elle saigne. Tiens, regarde. Tu veux la voir? Regarde, mon fils. Tu l'as vu? Ta propre mère de saigne. Elle saigne. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tiens, regarde. Tu veux la voir? Regarde, mon fils. Non, papounet. Tu l'as vu? Ta propre mère de saigne. Elle saigne. Tu es médiocre. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as tout raté. Tu as 7 ans. Regarde, tu n'es rien. Tu as vu? Ta propre mère de saigne. Elle saigne. Tu es médiocre. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as tout raté. Tu as 7 ans. Tu n'es rien. Tu as vu? Ta propre mère de saigne. Elle saigne. Médiocre. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as tout raté. Tu as 7 ans. Tu n'es rien. Tu as vu? Ta propre mère de saigne. Elle saigne. Médiocre. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as tout raté. 7 ans. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Une adresse à Toulouse, en France, au 31400, code postal. Le 40 rue Alfred Duméril vous accueille tous les premiers vendredis du mois pour le vernissage de la salle d'exposition de Canal Sud. Radio Canal Sud, une radio associative libre depuis 1981, la libération des radios pirates. Libération, oui, oui, libre, oui, ou mourir. Oui, c'est comme ça, oui. Ah, Kabaka, oui. Kabaka, oui. Nuisance. On peut écouter le morceau de Ted Nugent and the Humble Dukes, mariage, man, woman et je ne sais quoi, peut-être gamin après la fin, quoi. Donc homme, femme, donc numéro 1, homme, normal, quoi. Numéro 2, femme, et troisième, je sais pas quoi, sûrement gamin, quoi, je vois pas trop. Situation professionnelle, un truc comme ça, quoi. Réussite. On peut entendre un solo magnifique et un riff de basse pertinent à la 36e mesure. Vous noterez avec quelle aisance le pianiste fait semblant de connaître ses gammes. Oui, c'est un vrai professionnel, celui-là. On l'aime. cette émission qui nuit au sens, une émission de toutes les nuisances. Nugent et un Bodux en fond. Ne vous l'ai-je pas affirmé tout à l'heure ? Ted Nugent et un Bodux en fond. La grande et belle musique que nous aimons à Nuisance. Qui est de ce fait une émission à tendance britiste, pardon, et même je dirais à tendance bruteuse. Très bruteuse, je le souhaite vraiment. L'espoir fait vivre. Oui, maître. Mon précieux trésor, mon espoir, ma potentialité. L'espoir fait vivre. Oui, maître. Mon précieux trésor, mon espoir, ma potentialité. L'espoir fait vivre. Oui, maître. Mon précieux trésor, maître potentiel. Mon espoir, ma potentialité. Tout au fond de l'idée que j'ai derrière la tête. Maître potentiel. Il me reste 3 minutes pour enfreindre la loi en disant un mot dégueulasse à l'intention des enfants. Et je ne le ferai pas, maître potentiel. Il me reste 3 minutes pour enfreindre la loi en disant un mot dégueulasse. C'est bien à toi que je m'adresse, maman. Et je ne le ferai pas, maître. Et le mot dégueulasse, 3 minutes pour enfreindre la loi. Il n'y en a pas. Dégueulasse. Qui soit suffisamment pertinent. Maman, et je ne le ferai pas pour vous qualifier tous les deux. Le mot dégueulasse. 3 minutes pour enfreindre la loi. Qualifier le fruit de votre union médiocre. Qui soit suffisamment pertinent. Maman, pour vous qualifier tous les deux. Le mot dégueulasse. 3 minutes pour enfreindre la loi. Qualifier le fruit de votre union médiocre. Qui soit suffisamment pertinent. Et le fruit de votre union médiocre. Pour vous qualifier tous les deux. Profitez donc de l'usufruit, frappez-le, médiocre. Ça vous détendra. Ce fruit, profitez donc de l'usufruit, cette fleur tendre et douce, ça vous détendra. Innocente, naïve, et gentille, et belle, fruit, et charmante, cette fleur, et maligne, et malicieuse. Innocent, oh oui, et naïve, frappez-la, et gentille, et belle, frappez votre fruit, et maligne, trop fort. Malicieuse. Toujours trop fort. Frappez-la, et gentil. Pour toujours. Trop fort. Vous resterez avec moi. Pour toujours dans ma tête. Merci papa. Pour toujours. Merci maman. Vous resterez avec moi. Pour toujours dans ma tête. Merci papa. Merci maman. C'est un scud de 68 heures. Donc, vu que mon papa et ma maman sont des 68 heures, je me pensais vraiment leur faire plaisir. C'est visiblement raté. Je me suis un peu laissé emporter par ma terminologie tout à fait précieuse. Précise, pardon. Oh, quel lapsus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quelle emphase je fais sur le théâtral de mes papounets et mamounettes. Oh oui, oh, qu'ils sont théâtreux et emphatiques. En patoc même. Oui, parlez tout seul dans votre coin. Je ne vous entends pas. Oui, oh oui, mon précieux trésor. Il faut que je le tue. Il faut que je le frappe encore. Ils n'ont visiblement pas vu le film. doesn't sound out of place at all. It's just like the regular thing everybody listens to right now, you know? Apart from the absence of vocodering, you know? Nah, you don't know what I mean, do you? Il semble que Nuisance ait un peu manqué son coup ce soir. Nous avons un peu oublié que la grande et belle musique, eh ben, c'est pas pour cette émission en fait. Donc je suis bien là, oui, pour tout foutre en l'air. Ce magnifique morceau de Ted Nugent. And the Amboy Dukes. En 1969 ou 71, je sais pas. On s'en fout. C'est le morceau préféré de mon papa et de ma maman. C'est pour ça qu'il pue ce morceau. Wouh! Ouais, la liberté, c'est vraiment à chier. Je préfère largement avoir un boulot, quoi. Et du fric, merci. Wouh! Ouais! C'est pas comme si je faisais vraiment ce que je voulais et n'importe quoi en même temps, tu vois. Tout ce qui me passe par la teuté, quoi. Vous inquiétez pas, je réfrène mes désirs. Oh oui, je réfrène mes désirs, papa, maman. Croyez-moi. Ouais, c'est la fête au village. Sans prétention, on mange des merguez et du steak frites. Oh pardon, il y avait de la musique derrière. Sol, la sol, la sol, fa, mi, ré, mi, do. Excusez-moi, c'est naturel. Il faut bien éructer de temps en temps, sinon on exploserait, quoi. Ouais, y'a des moments dans la vie où on s'encarre complètement de vivre, justement. Ce qu'on c'est ne pas être, parce que vraiment faut être bête pour vivre dans une chose si pauvre et conne que moi. se passe là. Il y a comme un problème, quoi. Il y a comme un gremlin, quoi. Il y a comme un gremlin dans le moteur, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'avais dit quelque chose qu'il fallait pas, quoi. Hein, il est 22h, maintenant on peut tout dire. Les enfants sont couchés. Tson, ils comprendraient même pas. C'est des gamins, comme papa et maman. Ils m'ont bien montré comment faire. Il faut leur dire, va te coucher, à ta chambre. Écris merde sur tes murs, mais fais-nous pas chier. Ferme ta gueule, t'es médiocre. Prie-moi à genoux que je ne t'annule pas ton cadeau de Noël et que tu n'aies pas une punition pour le reste de l'année. Remercie-moi. Oui, ha ha ha ha. Je t'aime tellement, mon fils. Dis chef, oui chef. Sir, yes sir. C'est doux la vie quand même. Hein. On s'en rend compte le vendredi soir quand on va en boîte et qu'on a du fric et qu'on dépense dans de la merde, par exemple. C'est là qu'on se rend compte que la vie elle est douce quand même. Hein. Hein, qu'elle est facile. Elle est facile. Hein. En même temps, elle est complexe la vie quand même. C'est complexe la vie, je veux dire. Elle est facile mais complexe quand même la vie. Hein. Non. Des femmes ici. On n'est pas juste des bêtes, quoi. On n'est pas juste bêtes, je veux dire. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Non, mais c'est vrai, merde. Caca boudin. Crotte de bique. Foutre. Oui, après 10 heures en France, on peut tout dire, c'est génial. Même semence anale. Phlegme rectal. Paresse tergiversante. Mauvaise foi évidente. Allô, il y a quelqu'un? Ouais. Ouais, vous êtes à l'antenne là, donc dites pas n'importe quoi. Bonjour monsieur, c'est Nuisance là. Ah, je me gratte la bite, putain. Ah, je te connais, toi. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, t'es bien à la maison, c'est toi? Ouais. Ah bon, bah d'accord, bah vas-y, hein, passe quand tu veux, quoi. C'est pas comme si c'était une radio libre ici. Hein. Ouais. Ouais, voilà, ouais. En fait, je t'ai pas reconnu, mais je crois que je te connais, donc c'est bon, quoi. Ouais. Ouais, tu sais, on se connaît tous sur Terre, on est tous enfants d'Adam et Ève, quoi. Ouais, ouais. C'est clair, hein, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, Adam et Ève, ils en ont fait des enfants, hein. Mais j'y ai avec eux, malheureusement. Voilà, mais je veux dire, on est tous les mêmes, quoi, finalement. Tu vois ce que je veux dire, enfin. Ouais, non, si, si, si, on est tous des humains, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu comprends. Ah, bah, fais pas dire ce que j'ai pas dit, non, mais bon. T'as rien dit pour l'instant, mais je suis d'accord avec toi, hein. J'ai rien compris, mais je suis d'accord, tu sais. C'est pas parce que j'ai pris ça à quelqu'un qu'il faut absolument me condamner, quoi. J'ai de l'inspiration quelque part, des fois. Bon, ben. Ah, oui. Chanter une chanson pour les pauvres cons. Les pauvres cons, et puent du derche. Et puent du derche tellement ils se lavent. Parce que ça use la peau de se laver. Vaut mieux être un bourgeois et chier dans les côtés de Versailles. Ah, ça rime côté chier, c'est pour ça que ça. Des crottes de nez. Crottes de nez, ça rime avec chier aussi. Ça tombe bien. Et à chaque fois que les riches ont la diarrhée, et je me dis tellement de choses en latin que je comprends pas. Que je comprends rien d'ailleurs. C'est qui au bout du fil, merde? Je vais pas me faire pirater quand même, je suis pas d'accord. Je dis je suis pas d'accord. Quelque chose en moi qui me fait chier. C'est pas Rio Grande, mais quelque chose de Tennessee. C'est plutôt mon papounet, ma mamounette, qui m'ont cassé la gueule mille fois et je n'ai pas pu me relever. D'ailleurs, ça a pété dans le cerveau et maintenant je suis schizo. Merci papa, oh, je t'aime pas. Merci maman, ta propre merde ne m'aime pas. Non, parce qu'elle peut pas aimer la merde, tu vois ce que je veux dire. Alors que papa, lui, le pourrait. J'aimerais tellement être comme... Ce soir, dans Nuisance, c'est Session Rap. Si, si. Y'a quelque chose qui va pas dans ma tête. Et je m'en fous de savoir ce que c'est. Je m'en carre. Ouais. Ouais. Ça fonctionne pas comme il faudrait. C'est pour ça qu'ils m'ont marginalisé. Je me suis marginalisé, pardon. Le marginal est un gros bouffon. Moi j'ai plein de fric et je me confonds pas avec une poubelle, moi. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est une nuisance, nuisance, l'émission qui ne me sens, l'émission de toutes les nuisances. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est une nuisance, nuisance, l'émission qui me sens, l'émission de toutes les nuisances. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 90.2 FM ou canalsud.net. C'est une nuisance, nuisance, l'émission qui me sens, l'émission de toutes les nuisances. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 90.2 FM ou canalsud.net. De toutes les nuisances. Bonsoir. Chef, oui, chef. Contre moi-même. Mon père linguiste m'a tout appris comment m'exprimer. La langue française est riche, tu sais. Chef, oui, chef. Mon père linguiste m'a tout appris comment m'exprimer. La langue française est riche, tu sais. Dehors de ma tête, de sortez de ma tête, ensemble, seul, dehors de ma tête, sortez de ma tête, seul, dehors de ma tête, seul, dehors. Sortez de ma tête! Sortez de ma tête! Papa! Maman! Sortez de ma tête! Mourez! Maman! Enfin! Sortez de ma tête! De compte! Papa, maman, enfin, sortez de ma tête, de compte. Papa, maman, enfin, sortez de ma tête, de compte. Papa, maman, enfin, de compte. Ah, si seulement il y avait quelqu'un qui pourrait me parler au bout du fil, ce serait bon, oh, ce serait bon comme une glace à la chantilly. Si, j'ai fait l'amour avec la glace à la chantilly. Si, c'est vrai! quelqu'un ? Entrez ! Entrez, il y a quelqu'un ? Non, sortez de ma tête ! Entrez, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un là-dedans ? Il y a quelqu'un là-dedans ? On dirait que j'ai une dent contre mes parents, mais c'est faux ! C'est contre moi-même ! Si j'avais été assez fort pour leur dire « Vous abusez de moi, vous me prenez pour un con, ce n'est pas parce que je suis enfant qu'il faut me traiter comme une merde !» Eh ben, tout aurait été parfaitement, bien comme sur des roulettes. Mais malheureusement, mes parents m'ont fait médiocre, car c'est un couple de gens médiocres. Donc malheureusement, je n'ai pas eu de chance, je suis devenu fou ! Fou ! Comme mon papa. Comme ma maman, que j'aime pas, je précise. C'est moi qui capitalise ici. Je paye pour faire cette émission. C'est mon droit. C'est pas une histoire de liberté. C'est, on peut pas, personne peut, pas tout le monde, je veux dire, s'exprimer comme ça tout le temps, quoi, chez moi. Non, non. C'est pas ici qu'il faut aller. Faut aller à France Culture ou France Musique, le truc reconnu d'État, là où tu peux dire la vérité. Ici, on ment, d'accord ? On dit que de la merde. Alors, s'il te plaît, si t'as des trucs intéressants à faire à la guitare, fais-les ailleurs, ok ? Et ton son, il est trop graveleux, il est trop dégueulasse. C'est, ça passe trop bien avec Nuisance, vaut mieux pas faire ça, quoi. Je vais passer pour un gros con. Alors, s'il te plaît, arrête, ok ? J'ai dit ok. Dis oui, monsieur. Allez, allez, dis-le. Dis-le. Tu devrais me pardonner. Tu devrais, ouais. Mais non, tu le feras pas, parce que t'es médiocre. Tu sais ça, hein ? Tu le sais, ça. Qu'est-ce que t'as dit ? Tu m'as dit quelque chose ? Je t'ai entendu là-bas. Ah, pourquoi tu répètes tout ce que je dis ? On trouve quelque chose d'autre à dire. acheter de la grande belle musique. En musique. I work at one station to the station where we can do what we want to do. Sweat. Gross model. I was waiting for Michael. He's not here. Sweat. I work at one station to the station where we can do what we want to do. Sweat. Le vélo de Jacques n'amasse pas mousse en roulant le bord des fossés morts, crevés comme un platane. Oui, un platane. It's not fair. Oh Jésus, quand il nous faut un crucifié. Où est-il? Déjà mort? Merde alors! Ce n'était qu'un mythe. Blasphème! Tout n'est que blasphème! Vanité aux vanités, empereur des vanités, impératrice des vanités, les délices de la mort seront doux pour vous après la torture de la vie. De votre fils, gâché par votre connerie! Papa, maman, merci. De nuisance qui bien sûr représente du grand art d'habitude, pas de la grande tare comme ce soir. Évidemment, je suis perplexe. J'ai pourtant pris le CD de Mozart, le Requiem de Mozart, et tout ce qu'on obtient, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce matériel? Thank you. Nous allons à présent et... Gatsby le magnifique. Il fut un temps où Gatsby était magnifique, maintenant il est vieux, il est mort, ça y est, c'est fini. Allez vous faire enculer! Allez tous vous faire mettre! Je vous déteste! En même temps, je me déteste, donc ça change pas grand chose à l'habitude, quoi, je veux dire, enfin. C'est à peu près pareil, quoi. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, téléphone le 05 61 53 36 95, un site web le www.canalsud.net, comme je l'ai déjà dit, une adresse le 43 Fred du Méril au 31400 Toulouse, France. Tous les premiers vendredis du mois, il y a vernissage d'exposition à Canal Sud au 43 Fred du Méril 31400 Toulouse, France, dans le quartier de Palais de Justice. Donc vous pouvez venir au vernissage de l'exposition mensuelle de Canal Sud. Au 43 Fête du Mérite, 31400 Toulouse. Venez en mai, venez en avril, venez en juin. Mais oh, ne venez pas en juillet. Oh, ne venez pas en août, c'est les vacances. Par contre, venez en septembre, venez etc. Le vernissage de l'exposition mensuelle de Canal Sud dans la salle d'exposition de Canal Sud, aux locaux de Canal Sud, au 43 Fête du Mérite, 31400 Toulouse. Vous êtes les Malone. Pardon. Bienvenue. Il y a comme un problème. J'entends un boucan derrière moi. C'est infernal. On s'entend même pas dire de la merde, quoi. Ouais, dire de la merde, pourquoi? T'as un problème avec ça? Dire de la merde. Pourquoi? Il est après 22h, c'est bon, on peut dire de la merde. D'ailleurs, c'est dit. De la merde. Voilà. Salutatis Dominum et Majestatis Deo. O Adonai, salvame. Salvame. I salvate. Salvate. Deo salvame d'abord. Oui. Oh Adonai. Oh. On peut pas dire ça comme ça, tu comprends, mec? C'est pas comme si c'était facile, quoi. Non, je suis pas d'accord, c'est une histoire de nomenclature, tu vois. Je me rote à la gueule. Et je me rote à la gueule. Et je me rote à la gueule. Oui. À la gueule. Mais putain ! Que je ferme ma gueule ! Merde! Non mais y'en a marre, arrêtez tout. Ça sert à rien, ils comprennent pas. C'est pas de la musique, c'est du bruit, ils comprennent pas, ça sert à rien. On arrête tout. Ils comprennent pas, c'est de la musique, c'est pas du bruit, etc. etc. Ils comprennent pas, on arrête tout, ça sert à rien. Quel doux son, oh, c'est beau. C'est bon, vive le cola sans nul. Quel doux son, oh, c'est beau. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vive le cola sans nul. Quel doux son, oh, c'est beau. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Cola sans nul. Bon. Quel doux son, oh. C'est beau. C'est bon. C'est bon. C'est bon, cola, c'est bon. Quel doux son. Oh, c'est beau. C'est bon. C'est bon. C'est bon, cola, c'est bon. Quel doux son. Eau vive. Eau vive, oui. Eau vive, le cola sans bulle. Bleh. C'est bon, cola, c'est bon. Quel doux son. Eau vive. Eau vive, oui. Eau vive, le cola sans bulle. Bleh. Vive, oh vive, oui, oh vive le cola sans bulle. Bleh. Oh vive. chocolat sans bulle. Damn it.

l'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Toutes. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, allô? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oui, allô? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Allô? Hein? Il y a quelqu'un? Hein? Non? Hein? Merde? Hmm. Allô? Il y a quelqu'un? Bonjour à moi. Bonjour à la voix. Pardon, j'ai pas compris ce que t'as dit. Tu peux répéter, petit bonhomme? T'es timide, hein? Je comprends. T'es très timide, quoi. Je comprends, t'inquiète. Fasciste? Fasciste toi-même? Non mais... C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Petit bonhomme. Dis oui, chef. Chef, oui, chef. Mon fils. Carrément le chaos, c'est pas possible, il faut qu'on arrête là tout de suite, c'est pas possible autrement. Merde. Thank you. Dibidibidibidibum. Dibidibidibidibum. De couilles. Car j'accouille. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Thank you. Contents from this installment on Voyage identicate a long D-Way interface D Windows or the conversion D text cards and 6 vocal Mountain for Senator Narrator Microsoft Obat Mice so point suitor Mount Bait Senator Parameters De La Voyage Narrator Obat Mice so points Zone D list that we don't take Senator Parameters De La Voyage Zone D list that we don't Senator Parameters De La Voyage Narrator Obat Mice Senator Narrator Microsoft Obat Mice So Point Suitor Bowden Pattern Voyage Content Lead Narrator Let the Voyage Hope CE Key Menu Feed Preferences Element D Menu To Shade D Menu Alt Plus E A Element D Feature Senator New Vote Document Text to .txt Block Notes E F Space E I S F E E F Space E R E E Just so it's unverted Menu Menu Obat 11 Lecture D Droid to Gauche Element D Menu To Shade D Menu Alt Plus F Menu Menu Obat 11 Elements Text Sui Sun Verdit Just Deep Sui Sun Verdit Just Sui Sun Verdit E Sui Sun Verdit Just Sui Sun Verdit Just Sui Sun Verdit Ritu Abari Inger Jisui Sun Verdit Ritu Arbari Air Jisui Sun Air Dans une espèce d'intuition complètement folle, mais. Ritu Arbari Air V Ritu Arbari Air Ritu Arbari Air U Jisui Sun Air Menu Lecture D Droid to Gauche Element D Menu Gauche To Shape Menu Edition of that 11 Element Menu Feature of Menu For Menu of Cool Edition Jisui Sun Air Control Jisui Sun Air F Space Sun ear of Jasuli, son, ear of Jasuli, son, ear of Jasuli, son, ear of Jasuli, son, ear of Jasuli, son, ear of Jasuli, son, ear of Jasuli, son, ear. Content, lead narrator, live. Feather Durat, Kantian, Feather Durat, Jasuli, Sun, Ear of Jasuli, Sun, Ear of Jasuli, Sun, Ear of Jasuli, Sun, Ear of Jasuli, Sun, Ear of Jasuli, Sun, Ear. Voir, elle saigne. Kabaka, oui. Kabaka, non. Seul, oui. Seul. Seul. Ensemble. Rock and Roll Station is a station where we can do what we want to do. Chouette. It's like Gross Modal. Sacré. Sacré. Sacré. Sacré. J'espère bientôt fini ce bordel. Non. Jamais. Jamais. Non. Jamais. Pour toujours. Jamais. Non. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Ensemble. Pour toujours. Jamais. Non. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Ensemble. Toujours. Jamais. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Ensemble. Pour toujours. Jamais. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Seul. Jamais. Ensemble. Jaja met de l'huile sur le feu. Jaja met de l'huile sur le feu. C'était mon idée, les ventilos. Jaja met de l'huile. Tu m'as piqué mon idée sur le feu. Sale démon, chétan. Je vais t'exorciser, démon, sors de ce corps. C'était mon idée, les ventilos. Jaja met de l'huile. Tu m'as piqué mon idée sur le feu. Sale démon, chétan. Je vais t'exorciser, démon, sors de ce corps. C'était mon idée, les ventilos. T'entends? Tu m'auras pas comme ça. Tu m'auras pas, t'entends? C'était mon idée. C'est grâce à moi si t'es quelqu'un maintenant. Parce qu'avant de me rencontrer, t'étais personne, figure-toi. T'étais même pas. Ah, c'est bon. Vas-y, dis-le que je dis que de la merde. Vas-y, si t'oses. Ouais, je dis que de la merde, ouais. Pourquoi? T'as un problème? Hein, petit bonhomme? Tu crois que j'ai peur de toi, hein? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu crois qu'avec tes gros bras, tu vas m'impressionner, tes gros bras, là, hein? Que dalle. C'est toi qui as peur de moi. Je suis trop fort pour toi. Je suis trop fort pour toi. Ça, c'est mon idée. Tu m'as piqué mon idée. Voleur, rends-moi mes couleurs. Thank you. Vous écoutez France Culture, nous écoutons un opus 421B 4621-7, page 27 de l'opus Deu de Mozart Requiem 22 de Jean-Sébastien Bach. C'est beau. C'est trop beau. Un petit extrait de Silence de John Cage. Juste après Hystérion de Yanis Xenakis. Vous apprécierez quand même. Et nous allons passer à un morceau calme de Merzbow. Une platitude de son. Une huile corporelle. Étalé pour vous sur un bout de papier peint gras. Dans le slip. Merde. Il y en a partout, ça colle et ça pue. De la merde. Plein de merde. Kabaka! Kabaka, oui. Kabaka. Kabaka. Kabaka, oui. Kabaka. Tu veux la voir, elle saigne. Comment tu peux dire ça? C'est-à-dire ? c'est pas bientôt fini ce bordel. On a dit qu'on arrêtait à 11h. Quoi ? C'est moi, le patron ici, petit bonhomme. Quoi, ma gueule ? T'as un problème avec ma gueule ? C'est mon gros nez, c'est ça ? Tu me cherches ? Enculé ! Tu crois que ça m'impressionne ? Espèce de pirate. Bon, pour préciser, c'était un direct live Auvergne-Toulouse. Avec un mec qui sait pas retenir de péter, quoi. On dit il pète les amplis quoi, c'est son boulot. Il a trouvé sa vocation, il pète les amplis. Bien sûr, c'est mes amplis, j'imagine. Leur dites pas que j'ai dit ça, mais ils sont complètement barjeux. Complètement barjeux. Ils ont fondu un plomb ou deux. En même temps, les Auvergnats, on peut pas s'attendre à mieux. C'est quoi ce bordel? Déjà fini? C'est des lopettes, les gars. Tout ce que vous aviez à dire, quoi. Pff, vraiment, vous m'impressionnez pas, quoi. Ouais, c'est ça, et les autres voix, c'était qui, hein? C'était tes autres personnalités, c'est ça, qui se battent en toi, hein? Qui essayent de faire des choses, de sortir de toi, c'est ça, hein? Je comprends, t'inquiète. Tu comprends quoi? Bah... T'as rien compris, mec. Ouais. Tu m'as répondu, ça craint, on a l'antenne, là, faut pas que tu me parles. C'est pas parce que t'es auvergnat qu'il faut absolument que tu places un mot ou deux à l'antenne de Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, quoi. C'est pas moi qui parle, c'est moi. Ah, c'est l'autre. L'hôte. C'est l'hôte sur la cassette. C'est le pauvre. Je comprends. Moi aussi j'ai un pauvre dans ma tête. Sauf que moi, le pauvre, tu sais ce que je lui fais au pauvre? Non, je veux pas savoir, mais... Ah bah ça tombe bien, je savais pas trop quoi dire. T'es allé te coucher maintenant, t'es fatigué, c'est ça? Ouais, très fatigué, j'ai bu trop de café, mais je suis pas à donf du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que je sois complètement à donf, quoi. De café, quoi. Fais gaffe, j'ai mal à la tête. Ouais, j'avoue. Bah ouais, si tu veux, ouais, carrément, ben merci d'avoir participé, mec. Et t'es tout seul ou y avait quelqu'un d'autre, non? Non, y'a que moi. Bon, bah merci d'avoir fait un boucan terrible sur Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission où toutes les nuisances, sur antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Bon, bah autiste. Ouais. Ouais, ben, tu peux me remercier et nous dire au revoir, et moi je vais dire au revoir à l'antenne du coup. Ouais, ok, bah je te dis merci, je te dis au revoir alors. Non, mais dis au revoir aux antennois, tu sais. Divine Providence. Ouais, la Divine Providence, c'est ça, c'est moi, ça. Ouais, alléluia. Alléluia. Ah, merci, oui, oh mon Dieu. Ouais, ton Dieu, c'est ça, c'est moi, c'est ça, ça me ressemble bien, quoi. Bon, on a fini de dire de la merde, là, c'est intolérable, quoi. Je veux dire, d'habitude, je dis de la merde, mais là, comme ça, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas divinement sain, quoi. En plus, t'as fait ça dans ta baignoire, quoi. Ah non, me dis pas que t'es en train de te laver les mains dans les chiottes, quoi. T'en es pas réduit à ça, quand même. Non, je devrais pas. Ouais, ouais. On dit ça parce qu'on est caché, n'est-ce pas, monsieur? Écoute, t'as fini de répéter tout ce que je dis, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Bon ben, je voudrais remercier Autiste Reading d'avoir participé à l'émission Nuisance du 27 mars 2015. Merci à toi, Autiste. Toujours aussi poli, ce mec. Toujours aussi agréable, plaisant, quoi. Mais en même temps, l'Auvergne et ses grabataires et ses naissants, on peut pas s'attendre à grand-chose. Bon, vive la France, vive Maréchal Pétain, vive Vichy, vive ma merde, vive mon baba au rhum, que j'aime pas, pas vive moi, et je m'encule. Profond.